voie 3 qui atterrisse 25 des êtres d'univers en termes de classification, de critères et de poids. Quels sont les critères de bonheur, de beauté, de préférence? Et sur quelle base détermine les valeurs des êtres? À partir de l'un des concepts que l'être énonce parmi nous pour décrire l'entité de lui-même comme heureuse. Ou pour décrire une entité d'un autre être comme malheureuse, laide ou belle, qu'il s'agisse d'un être humain au sommet d'êtres rationnellement sophistiqués. Ou une pierre parmi les êtres les plus silencieux, dans une errance entre deux dimensions, une profondeur d'inconscience absolue, ou la dégradation et ou la hauteur de la conscience. Ou les perspectives et les visualisations et la rationalisation. Panorama vers la beauté et le bonheur. Chaque être a des sentiments et le sens a une volonté. Mais la volonté est une affaire purement personnelle, alors que l'élément recherché est soumis à des critères inhérents à l'immanence du demandeur, selon son intérêt. Ce sont des critères de beauté qu'il a pour l'élément qu'il entend par sa volonté, selon son importance pour lui, et l'ampleur de son rôle dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles il le souhaitait, et ici il saisit des facteurs de préférence lors de la sélection. Pour déterminer les proportions de beauté des éléments choisis, lorsqu'il y a plusieurs éléments souhaités et l'importance de l'un dépasse l'autre ou les autres. Selon sa distinction ou sa supériorité dans l'exercice du rôle qui lui est demandé, et il peut atteindre un niveau de rareté chaque fois que ses goûts deviennent moins. Ou lorsqu'il n'y a pas d'équivalent, et puisque la préférence est basée sur la distinction entre les éléments selon des critères. Déterminé par les capacités subjectives de l'élément souhaité selon le but ou le rôle qui le voulait, ici rôle mental est interféré. Car le mental est celui qui distingue par son étude et sa connaissance des choses, et quand le voulu atteint la volonté du demandeur, le demandeur atteint un statut de sympathie. Puis il se sent par le bonheur, selon ce qu'il a obtenu, à partir de facteurs positifs, selon son auto-évaluation, que le bonheur réfléchit sur ses actions, ses comportements et ses activités sur ce qui l'entoure. Donc il sera décrit dans les sociétés humaines comme qui est une belle personne dans ses comportements et ses actions, parce qu'il joue un rôle direct ou indirect dans la réalisation de la volonté des autres, et ainsi les concepts de bonheur, de beauté, de conscience et de connaissance des choses s'entrelacent. Et à partir de là, les définitions viennent à ce que sont le bonheur et la beauté. Que la beauté est un être latent dans chaque être et aucun des cinq sens ne peut l'atteindre du tout. Et il est toujours normal que ces éléments flottent dans un souci d'élégance au-dessus des pièges de chasse et des marchandises de marketing. Et il n'y a pas de terre avec que de tomber dans le monde d'un être humain, flottait sur ses manifestations. Des caractéristiques éblouissantes et attrayantes. Lorsque nous parlons de la victoire et de la richesse que la Kalachnikov a apportée à ses créateurs et utilisateurs, cela ressemble à un bel outil. Et quand nous parlons de l'histoire d'une princesse séduisante, elle a tué 600 filles et elle se baigne avec leur sang pour avoir l'air la plus charmante. Quand nous regardons le serpent cobra alors qu'il danse sans que personne ne s'en approche, nous connaîtrons le sens de la beauté. Mais le bonheur est plus simple que quiconque ne l'imagine. Car il ne peut excéder la compréhension d'une personne que la vie est une et non répétée, et que le monde humain est un seulement, et rien ne le change vers le mieux que le bonheur. Et pour l'être humain et tout être humain, une seule exigence qu'il veut atteindre, c'est le bonheur. Puis les définitions, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que la beauté ?